Radiomatic. One wandering thought pollutes the day. We feel, conceive, or reason, laugh, or weep, embrace fond woe, or cast our cares away. It is the same, for be it joy or sorrow, the path of its departure still is free. Man's yesterday may never be like his morrow, naught may endure but mutability. La transmission 284 d'Audiomatic s'ouvrait sur la musique du projet suédois de Protagonist et la pièce Mutability, dans laquelle on pouvait écouter un poème de Percy Shelley lu par Mark St. John Ellis. Cette pièce apparaît sur le premier album de The Protagonist, intitulé À rebours, et sorti en 1998. Les sonoristes sont à prime abord des entités d'isolement qui ne s'incarnent jamais dans un lieu physique autrement que par une manifestation audible qui s'exprime toujours indirectement à travers des champs électromagnétiques. Ou, si vous préférez, en d'autres mots, entre vous et nous, il y aura toujours la musique. cloud slides the silent meteor on. And leaves a shining fog. Now falls the lily all her sweetness up. Nous avons pu entendre à Audiomatic le duo britannique Grasscut qui nous interprétait la chanson We Fold Ourselves, extraite de son deuxième album On Earth, lancé en 2012. Tout juste avant Grasscut, nous avions droit à l'artiste française Mohini Gasweiler qui a fait partie du groupe Sex in Dallas de 2003 à 2005. De son deuxième album solo, intitulé Sideration et paru en 2016, elle nous offrait sa composition Lone Signals. Et pour amorcer cette séquence musicale, nous vous avons présenté le projet Lorne, mené par l'artiste américain Marcos Ortega. Nous entendions la pièce Dead Dogs qui se retrouve sur l'album de Lorne qui a pour titre Ask the Dust, et qui est sorti en 2012. Audiomatic se poursuit sur la musique de l'artiste Peter Newton. Cette séquence musicale de deux pièces se terminait à Audiomatique sur la musique du projet ukrainien Roo, qui s'orthographie R.R.O.O. avec la pièce Behind Closed Eyes qui est tirée de l'album Inner Heaven. Et avant Roo, nous entendions une composition de Peter Newton, soit Free Fall, tirée de l'album Stem, paru en 2018. Soulignons que Peter Newton est un des membres fondateurs de la formation Clan of Xymox au début des années 80 et qu'il a participé aux deux premiers albums. Par la suite, le groupe a changé son nom pour simplement Xymox au début des années 90 et Peter Newton a participé aux deux albums suivants qui ont été enregistrés sous l'appellation Xymox avant de quitter le groupe pour des divergences artistiques en 1991 afin de poursuivre sa carrière solo. Audiomatique avec les sonoristes se poursuit maintenant avec la musique du projet The Pels Syndicate. We'll be right back. vomi. En conclusion de ce bloc musical à Audiomatique, il s'agissait du projet français C7, mené par Pierre Lefeuvre, de qui nous entendions la chanson Volcano, à laquelle collabore la chanteuse franco-laotienne Phone Somsavat. On retrouve cette chanson sur le mini-album Volcano, mais également sur le troisième album de C7, Mirage, paru en 2014. Précédemment à C7, c'était un autre projet français du nom de Igor, incarné par le musicien, compositeur et producteur Gauthier Serre. Nous vous avons fait jouer sa composition Tendon de son album Nostril, paru en 2010. Et pour débuter, c'était The Pels Syndicate, le projet musical de Frank Pels, artiste originaire des Pays-Bas. La pièce Endgames que nous avons choisi de vous diffuser est extraite de son deuxième album Cinematic Blue, qui est sorti en 2010, soit près de 16 ans après la parution de son premier album. C'est la formation belge de Clinic qui mettra un terme à la transmission 284 d'Audiomatique grâce à la pièce titre de son album Plague, paru en 1987. Malgré notre fort désir de réclusion, nous serons très heureux de vous retrouver mercredi prochain à travers les ondes du 89.1 FM pour la transmission 285 d'Audiomatique à compter de 17h. Si vous souhaitez que la distance soit encore plus marquée, nous vous conseillons de nous écouter en différé par l'entremise de nos plateformes, comme entre autres facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique. Voici donc The Clinic et la pièce Plague. C'était Audiomatique avec les sonoristes.